Salut tout le monde, bienvenue dans la cave, c'est Jay pour un nouveau podcast. Je suis aujourd'hui avec Mélanie. Salut. Salut Mélanie, tu étais déjà intervenue dans le podcast sur la création de jeux de rôle. Oui, oui. Mais aujourd'hui, on inaugure une nouvelle ligne de podcast où, un peu comme la cellule, avec au fil du temps, on va diversifier nos sujets et parler d'autres choses que le jeu de rôle. On va même pas essayer de se cacher, hein. Clairement, on va parler de choses beaucoup plus variées que des thématiques geek, en fait. Et le thème d'aujourd'hui, Mélanie, c'est... Eh bien, donc aujourd'hui, on va parler des oppressions. Enfin, le thème, c'est oppression et injustice sociale, la légitimité du discours. Ah vache, ça rigole pas, là. Non, mais on va le faire un peu en... sur un ton détendu. Ouais, on va essayer. Alors, la légitimité, c'est... Alors, avant de parler de la définition de la légitimité, juste un mot sur les oppressions et les injustices sociales. D'accord, ouais, vas-y, je t'écoute. Alors, on sait qu'elles existent, on les mesure même, hein. Il y a des chiffres à ce sujet. Les oppressions sociales, c'est ce qu'on appelle le racisme, le sexisme... La transphobie, les problématiques de classe. Voilà, problématiques de classe, la grossophobie aussi en fait partie, le fait de vivre dans une société qui soit capacitiste, il me semble. Hein, ou validiste. Voilà, on est validiste, c'est-à-dire donc, que si on n'est pas, pas valide, si on a un handicap physique par exemple, on n'est pas valide alors qu'on vit dans une société validiste. Handicapé est souvent utilisé comme insulte. D'ailleurs, tout à fait. Donc, toutes ces oppressions-là, on peut les chiffrer. On a des outils pour les chiffrer, pour s'en faire une idée. Et juste avant de parler de ce qui va nous occuper aujourd'hui, je voudrais dire qu'en France, les personnes racisées sont les plus invisibilisées, puisque en raison, on va dire, d'une mauvaise foi crasse. Voilà, d'être... De dire bah oui mais non parce qu'on pourrait utiliser ces statistiques à des fins racistes, donc on n'a pas de statistiques sur les personnes racisées, on ne peut pas mesurer les oppressions qu'elles subissent dans le monde du travail, on ne peut pas mesurer toutes les injustices qu'elles subissent, donc elles sont complètement invisibilisées. Voilà, le racisme n'existe que sous une forme, c'est le racisme personnel. À la tonton. Voilà, le racisme politique est ignoré. Donc voilà, juste, je voudrais signaler ça, et aussi signaler le cas des personnes trans, où elles, alors non seulement, alors elles, on n'en parle même pas, c'est-à-dire elles sont complètement invisibilisées tout court, comme ça, ça n'existe pas. Mmh. Voilà. Effectivement. À la rigueur, on les exotise un petit peu, ce qui fait que des fois, on a un reportage vaguement à la télé, mais les non-binaires, pour le coup, ça n'existe pas. Tout à fait. Donc tout ça constitue des oppressions et des injustices. Il se trouve que ces oppressions et ces injustices sociales font l'objet de discours. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la légitimité de ce discours. En particulier, on va s'intéresser à la personne qui... émet ce discours, à son statut à elle, et comment ça va influencer la légitimité de son discours. D'accord. Genre, est-ce que moi, qui suis un mec blanc, je peux parler de racisme Tout à fait. Est-ce que c'est... On va essayer, voilà, je vais pas dévoiler tout de suite, mais oui, c'est tout à fait de ça qu'on va parler. Alors, rapidement, une définition de la légitimité. Alors, ma définition... pour qu'on se mette bien en tête de ce dont quoi on parle. Donc je tire ma définition du Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales. La légitimité, c'est être légitime. Et être légitime, c'est ce qui est dicté, justifié, explicable par le bon droit, le bon sens, la raison. Wiktionnaire dit encore plus simplement « est légitime ce qui se justifie, qu'on peut admettre ou excuser. Mmh. » Donc... je vais également faire un petit tour des modes d'expression. On va pas parler de la légitimité de François Hollande à se dire de gauche. Ça en fait partie. Ça en fait. On va le voir justement. C'est super parce qu'on va le voir. On va voir. Cool. On va voir qu'il y a peut-être une, une nécessité à réfléchir, une grille d'analyse pour justement réfléchir qui dit quoi à qui se considère comme quoi et par rapport à qui. Et donc, bon, on verra tout ça. Juste un petit tour sur le discours et ses modes d'expression. On peut exprimer un discours par une action, manifestée dans la rue. Donc le discours, on le dit dans la rue, on a un mode d'expression, on va s'agglomérer et on va espérer être entendu par le nombre. Mais aussi, il y a la théorisation, on va pouvoir lire des essais, des articles, on va pouvoir voir des documentaires. Mais ça va pouvoir aussi s'exprimer par des discussions entre personnes et le positionnement de chacune et chacun sur ce sujet. Et ça va aussi être le discours que l'on va retrouver au travers d'une fiction, que ce soit roman, film, pièce de théâtre, toute fiction. Donc le discours sur un sujet, c'est pas uniquement le fait de manifester dans la rue, c'est aussi un discours politique. Enfin bon, on le retrouve partout, bien sûr. Tout le monde, en plus, se permet de parler des injustices sociales, bien entendu. Et tout le monde a un avis sur la question. Pour le coup, ouais. Ok. Est-ce que tu as un angle par lequel tu veux qu'on attaque ? Oui, tout à fait. Alors, comme je disais au début, on va pas parler du discours légitime. Est-ce qu'un discours est légitime ? On va pas se demander si, par exemple... dire que nous vivons dans une société patriarcale, est-ce que ce concept même est légitime ? Ce n'est pas du tout l'objet de notre... Oui, on attaquera les gros morceaux peut-être une autre fois. Voilà, c'est ça. Comme le patriarcat ou le racisme de façon précise, quoi. Tout à fait. Mais on va s'intéresser à qui dit quoi, qui s'exprime alors. Dans ces discours-là, il y a des concernés. Donc, pour changer un petit peu, être un homme et parler des injonctions virilistes, en tout cas être un homme cis et parler des injonctions virilistes, ça en fait partie, hein. Donc elle est concernée. Être une personne noire et parler du racisme, il y a des non-concernés, il y en a beaucoup des non-concernés, beaucoup, beaucoup qui s'expriment sur ces sujets-là par tous les modes d'expression que je viens de citer. Et on va aujourd'hui s'intéresser principalement aux non-concernés. Parce qu'en plus, c'est un peu d'actualité. Donc, Alors, les concernés et les non-concernés, on peut définir un peu... Ça me semble évident, mais peut-être pas plus mal de... C'est vrai. Alors, quand on va parler d'oppression et d'injustice sociale, être concerné, c'est être concerné par l'oppression et l'injustice sociale dont il est question. D'accord. Les excuses du genre « mon grand-père était berbère », ça... Non. Si on subit pas soi-même l'oppression, on n'est pas exactement concerné. On peut à la rigueur avoir... Alors, c'est un peu compliqué. On peut avoir intégré des choses par rapport au fait que son ascendance... D'accord, oui, c'est vrai. Voilà, on peut avoir intégré des choses, mais on n'est pas concerné directement. On peut pas se revendiquer en tant que concerné, puisque on va pas... Je vais donner un exemple. Il se trouve que la plupart du temps, on me voit comme une personne non racisée. Alors parfois, on me rappelle bien que je ne suis pas... Je suis racisée. On me le rappelle de façon très violente, d'ailleurs. Mais la plupart du temps, j'ai un passing blanc complet. Je passe dans la société pour une personne blanche. No problème. Oui, c'est ça. Une personne vaguement méditerranéenne. C'est ça, un peu, voilà. Oui, oui. Et voilà. Donc, on va pas du tout... Et donc là, est-ce que je... Alors oui, bien sûr, peut-être que je suis sensible au racisme... Parce que je me sens un peu concernée, parce que de fait, voilà. Mais moi-même, dans la rue, est-ce que moi-même j'ai eu affaire à des... Parce que c'est jamais... En plus, c'est pas toujours... Enfin, c'est un peu caricatural de s'imaginer que ça ne s'exprimerait que par des sales noires. C'est politique, tout ça. Hein. C'est aussi une façon, sous-entendue, de t'exclure. Est-ce que j'ai vécu ça? Peut-être, mais moi, j'ai pas l'impression. Donc, je peux pas dire je suis concernée directement par cette oppression-là. Donc, on est concerné quand cette oppression-là, elle fait qu'on a des obstacles dans la vie. Elle fait qu'on ne peut pas se revendiquer des mêmes privilèges que la personne qui ne subit pas cette oppression-là, qui n'est pas concernée par cette oppression. D'accord. Et donc, il y a des personnes concernées et non concernées qui prennent position sur des sujets tels que le sexisme ou les injonctions virilistes ou... Tout à fait. Et alors moi, aujourd'hui, je veux parler des non concernés. Et je veux étudier, parce que c'est important, parce que c'est le discours dominant, et que comme les, en général les concernés sont les personnes qui sont opprimées, ça va être compliqué pour elles d'avoir accès à la parole, et en plus d'être valide dans cette parole là, mais je vais en parler tout de suite, et ben on va un peu s'attacher à disséquer ce que ça implique d'être non concerné quand on a un avis, un discours sur justement une injustice sociale ou une oppression. Et c'est d'ailleurs même la question, je vais la formuler hein, littéralement: un discours est-il légitime si l'on n'est pas concerné par l'oppression, l'injustice dont il est question dans ce discours? D'accord. Genre, alors un discours est-il légitime s'il est prononcé par une personne non concernée? Je vais donner un exemple tout de suite. Je suis blanc et je te dis que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu est un film raciste envers les personnes noires, et d'ailleurs arabes, et les personnes de couleur en général, racisées même, parce que le film il touche large. Est-ce que mon discours est légitime? C'est ça la question. Tout à fait. Mais alors, on va pas y répondre comme ça. Non, parce que pour Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est évident, mais... Oui, justement, je vais essayer de disséquer un peu ça et de voir comment est-ce qu'on peut envisager ça. D'accord. Donc la première chose que je propose dans une espèce de première partie globale, c'est qu'on va s'intéresser au statut du non-concerné. Qu'est-ce que c'est être non-concerné? Qu'est-ce que ça implique? Et en premier, c'est bénéficier d'un ensemble de privilèges. Et donc, en premier lieu, la position de non-concerné, c'est un statut de privilégié. Tu te rends compte, il va falloir qu'on définisse la notion de privilège, là? T'as la souris avec la molette, si tu veux. Alors, bah tout à fait, donc c'est ce que je vais faire. Alors, position de privilégié. Voilà, donc, la position de privilégié, ça s'exprime par soit avoir un avantage sur un autre groupe social. Par exemple, sur un autre groupe social, vraiment, ou par rapport à un autre groupe? Un peu des deux. Avoir le privilège blanc, par exemple, c'est avoir plus... Alors, on n'a pas de chiffres, donc forcément, ça va être compliqué de le prouver. On a des chiffres aux États-Unis, par contre. Ouais. Mais en France, on n'a pas le droit. C'est avoir plus de facilité à l'accès à l'emploi, plus de facilité à l'accès au logement, être dans les jeux sociaux plus écouté, plus valide à dire quelque chose, à s'exprimer sur quelque chose. Mmh. Ça va être avoir plus donc accès à la parole, plus avoir accès à pouvoir écrire un article dans un journal, être plus écouté, plus entendu, ça va être tout ça. Ça, c'est tout ce qui va constituer le fait d'être privilégié par rapport à une autre personne qui va subir des oppressions. D'une manière générale, toutes les personnes qui vont avoir un statut de privilégié, donc on va brosser rapidement, être blanc, être un homme cis, être cis tout court, est un privilège. Être cis. Alors, être cis, c'est... En deux mots, parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Tout à fait. Pour faire simple, nous avons tous un sexe assigné à la naissance, hein, que l'on regarde, qu'on a entre les jambes. Donc on va dire ça, sexe masculin, ça, sexe féminin. Et du coup, on va dire, bon, bah, si sexe féminin égale genre masculin... J'ai dit féminin ou masculin. Oui. Si sexe féminin égale genre féminin, si sexe masculin égale genre masculin. Il se trouve que si on... voit pas de problème là-dedans, on dit bah oui, j'ai bien un sexe masculin, il se trouve que mon identité de genre, je me reconnais là-dedans, avec des nuances bien sûr, il s'agit pas de caricaturer les choses, mais j'ai pas de problème, ça ne me pose pas de problème, bah on est une personne cis, et pareil pour une femme cis. Et ça c'est un privilège, parce que nécessairement les personnes qui ne vont pas... Alors c'est pas qu'elles vont pas se sentir, c'est qu'elles ne... parce que ça impliquerait que c'est quelque chose de volontaire, mais les personnes qui ne sont pas de cette identité de genre-là, elles ne le sont pas tout court, il n'y a pas à le remettre en question, vont subir une oppression, et donc ne vont pas avoir le privilège cis. Voilà, tout simplement. Mais il y a le privilège d'être valide. Être valide est un privilège. Notre société est conçue pour des gens valides. Je vais prendre un exemple tout con. Moi, je fais 1m56, et bien quand je vis au supermarché, pourtant je suis valide, hein, je suis pleinement valide, mais pour atteindre certains articles, je suis trop petit. J'imagine même pas pour une personne qui a du mal à se déplacer et en fauteuil roulant, comment elle fait ses courses. J'imagine pas. Et rien que les seuils, ces foutus seuils, les trucs qu'il y a à l'entrée de toutes les maisons quand on est en centre-ville. Tout à fait. Si t'es en fauteuil, bah tu l'as dans l'os. Donc c'est ça être valide, c'est un privilège. Qu'est-ce qu'on pourrait citer ? Le privilège. Alors le privilège, c'est aussi quelque chose en général qu'on n'a pas demandé à avoir. Alors je vais mettre un petit bémol. Généralement, on se rend pas compte qu'on l'a aussi. Voilà, on se rend pas compte qu'on l'a. Je vais mettre un petit bémol. On peut avoir un privilège de classe et on peut avoir lutté pour obtenir ce privilège de classe. Donc ça peut être l'objet d'une lutte malgré tout. Bon, le privilège blanc, on se rend bien compte qu'on n'aura pas fait grand-chose pour avoir le privilège blanc. Le privilège d'être mince, dans notre société... Non. J'ai cité Michael Jackson, oui, mais... Mais ça, c'est un bon exemple. C'est vrai que c'est quelqu'un... Ou même, le privilège blanc, les personnes qui font tout pour blanchiser, ces femmes noires qui se lissent les cheveux, etc. Je dis des bêtises, puisque qui dit domination blanche pour les personnes, pour les femmes noires, dit vouloir correspondre à des femmes blanches, et donc du coup, elles vont chercher à obtenir un peu ce... Je dirais pas privilège blanc parce que ce serait franchement indécent de dire ça, mais elles vont essayer en tout cas de moins subir l'oppression en étant plus conformes à l'identité, à l'idée qu'on se fait d'une belle femme. Il y a une très belle scène dans la série How to Get Away with Murder où la personnage le personnage principal qui est une femme noire avocate extrêmement. Disons qu'elle se tient là, quoi. Elle a de la volonté, elle est forte, c'est pas peu dire. Et elle est tout le temps avec des coupes de cheveux extrêmement lissées, extrêmement. Et à un moment, on se rend compte qu'en fait, elle porte tout le temps des perruques. Et que sous ses airs très féminins, c'est une femme noire qui se démaquille, qui a un vrai visage de femme noire. Et qui a des vrais cheveux de femme noire. Mais qui est obligée de les garder courts, presque rasés, parce qu'elle doit porter des perruques pour se conforter aux standards des blancs. La scène ne le dit pas explicitement, mais c'est très clair quand on est sensibilisé à ces trucs-là, et j'ai trouvé ça assez fort. Mais c'est exactement ça. C'est quand on subit, quand on a un privilège, on n'a pas tellement conscience de l'avoir. Par contre, quand on ne l'a pas, on est parfaitement conscient qu'on l'a pas. Je vais prendre un autre privilège plus anecdotique, c'est le fait d'être mince dans notre société. Mais on va tout faire pour obtenir ce privilège, particulièrement les femmes. Des fois, on l'a sans rien faire. C'est moins grave, entre guillemets. Moins grave. Oui, ça ne conduit pas à la mort. Non, oui. Mais je veux dire, pour un homme que pour une femme. Ah oui, pour c'est un beaucoup homme. Moins discriminant, c'est beaucoup et moins... Et encore que, honnêtement, dans le milieu de l'entreprise, des gens obèses, on n'est pas vu beaucoup. Ni des hommes, ni des femmes. Après, tu me parlais d'être mince. Oui, mais c'est un privilège, du coup, parce que ça va permettre d'être... Il y a un spectre entre être mince et obèse. Je parle juste d'avoir des formes. D'accord. Les hommes qui ont tous du ventre, c'est admis, c'est normal. T'arrives à 40 ans, c'est normal, tu fais au moins 80 kilos, c'est normal. Je suis normal. D'accord, mais c'est que je veux juste pas minimiser les oppressions que subissent les hommes. Non, par contre, les vrais, les personnes qui sont réellement obèses et qui ont vraiment des problèmes, un problème de surpoids et qui, eux, subissent une vraie oppression par rapport à ça, c'est une autre paire de manches. Mais il y a même une oppression de simplement pas être conforme, mais ça va jouer... Alors, on peut obtenir le privilège de la minceur. C'est pas si simple que ça. Il y a des personnes qui ne l'obtiendront jamais parce que, on n'a pas tous fait pareil. Et ça va avoir un impact réel sur l'emploi, sur les jeux sociaux, sur le simple fait si on ne se sent pas conforme, on va aussi se sentir pas légitime à faire des choses. Donc, c'est vraiment comme ça que ça se joue. Si je suis dans une société et que je suis une personne, un homme cis, blanc, eh bien, je vais pouvoir complètement m'exprimer en public, on va m'écouter, on va s'arrêter de parler pour m'écouter. Ma parole aura de la valeur. On va même pas limite remettre en question ce que je suis en train de dire. C'est ça le privilège. Le privilège, c'est simplement avoir le droit d'exister et qu'on nous foute la paix. Et d'exister pleinement et d'être valide pleinement dans ce qu'on est. Et de pas avoir des obstacles tout le temps qui nous limitent dans notre capacité à avancer dans la vie. Et donc ça, c'est hyper important d'être... Enfin, le fait d'être privilégié, cette position-là de non-concerné dans un discours sur les oppressions et sur les injustices sociales, eh ben ça va avoir forcément un impact. Ça n'est pas sans conséquence. C'est évident. Donc, je continue ou... Oui, vas-y, continue, je t'en prie. Je continue, je développe. Donc, Mais on peut peut-être résumer, faire des points... En fait, moi, pour résumer, ce que je pensais pouvoir dire, c'est que, en fait, par rapport à cette légitimité, le fait d'être concerné ou pas, Un reproche qui est souvent fait, c'est tu n'es pas concerné, donc tu n'as pas à parler à ma place. Oui. Et enfin, je sais pas, Tout peut-être à que je te fait. dirais de faire la transition Si, vers la si, suite. c'est exactement ça. Alors, en fait, c'est un peu paradoxal. C'est-à-dire que la personne qui n'est pas concernée, mais parce que privilégiée, eh ben, elle sera légitime à en parler parce qu'on va l'écouter. C'est bizarre. Pourtant, elle n'est pas concernée. Et la personne non concernée va dire, oui, mais tu ne vis pas. Alors, avant même de parler de, tu n'es pas légitime à parler de ce que je vis, c'est simplement, comme tu parles de ça et que tu n'es pas concerné, moi, je n'existe plus. Déjà que j'existe pas, donc comme ça, si tu parles à ma place, j'existe plus. Donc ça, c'est la première chose. C'est typiquement, Zéro macho. Alors, je connais pas bien Zéro Macho. Zéro macho, c'est une association d'hommes féministes ou pro-féministes ou voilà, et qui ont tendance à, enfin, c'est un reproche qu'ils auraient régulièrement fait, surtout à leur chef de file qui est Patrick Jean, qui est Patrick Jean avait fait, il me semble que c'est lui qui avait fait un documentaire ou un truc sur les, qu'est-ce que c'est qu'être un homme ou quelque chose La comme ça. domination masculine? Oui, peut-être. Ce serait aussi le titre d'un ouvrage de Bourdieu dont je voulais parler, Et il est justement. devenu très très médiatisé suite à ça, et on avait tendance à plus le voir que les féministes qu'il était censé Voilà. encenser en fait. Alors, premier problème. Alors, avant même de parler du tu n'es pas concerné, tu n'es pas légitime parce que tu. Avant même de parler du contenu, parlons de la. Je parlais juste de la position. La position, c'est juste l'effet que ça a, peu importe le contenu. Tu peux être D'accord. hyper légitime, enfin, tu peux avoir un contenu, on verra plus tard si le contenu est légitime ou non, mais. Même si ce contenu était légitime, le simple fait de s'exprimer à la place de la personne concernée, ça va faire comme si elle n'existait pas. Je vais citer le cas de l'association où je suis. L'association HF. Donc, une association qui est là censée promouvoir les œuvres artistiques faites par des femmes. Et en fait, souvent, ce qui leur arrive, c'est qu'il y a des gens qui viennent nous voir. Enfin, nous. Moi, je suis un simple exécutant, mais. Enfin, simple adhérent. Mais qui viennent nous voir et qui nous demandent est-ce qu'on pourrait pas faire une collaboration dans le cadre du festival d'égal à égal ou autre, parce que j'ai un projet féministe qui dénonce des oppressions, etc., etc. Et HF répond à chaque fois non s'il s'agit d'un homme, parce que le principe n'est pas de faire des sujets qui parlent des femmes, mais d'aider les femmes à Voilà. se... Et le problème, c'est que si le sujet, c'est simplement de parler de féminisme, Tout à fait. il y a des hommes qui arrivent et qui... On parle vachement bien et qui Voilà, sont alors, rodés. c'est exactement. Alors, tu vas vachement m'aider à faire mon autre remarque sur cette posture, c'est que les personnes non concernées envisagent l'oppression et les concernées comme un sujet, mais sans se voir elles-mêmes comme oppresseurs. Et sans voir même que le simple fait de parler à la place des concernés. Peut-être déjà peut constituer, sans parler même du contenu, une oppression, en fait. C'est C'est. terrible ça. Voilà. Et donc, ça a pour effet d'infantiliser les concernés. Et c'est même pire que ça. Ça a pour effet de donner l'impression que les concernés ne peuvent pas lutter pour leur propre cause. Par exemple, alors je vais donner Ah, c'est intéressant ça. un exemple sur le racisme. Le mouvement Touche pas à mon pote. Alors ça, c'est l'exemple typique. Touche pas à mon pote le racisé. Je vous conseille à ce sujet la vidéo d'Usul. Alors on mettra le Le lien lien. Usul, c'était la vidéo qui s'appelait comment celle-là? Mais justement, j'ai plus le nom. C'était une de ces vidéos, mes chers contemporains. Oui, tout à fait. Alors, Usul, tu me faisais une remarque sur lui en préparation du podcast par rapport à ça que je trouve assez génial. Alors Usul, c'est un homme blanc, cis, hétéro, mais Usul ne dit toujours je suis un homme cis, hétéro. Et je parle en J'ai. tant que privilégié. Voilà, et j'ai des privilèges. On m'écoute parce que je suis un homme cis hétéro blanc. J'ai conscience que dans une discussion, sans même faire exprès, je coupe la parole aux femmes. Parce que j'ai intériorisé le fait qu'une femme m'écoute, je parle. Donc, Usul parle malheureusement, enfin parle malheureusement, c'est pas malheureux, hein, il parle, voilà, il parle, c'est son droit de parler, il parle à la place des concernés. Enfin, à la place des concernés, pas toujours, parce que quand il parle d'oppression de classe, il parle pas à la place des concernés, il est dedans, enfin, il est dans cette oppression-là. Mais il oublie pas de le dire, et tout de suite, bah, ça détend, quoi. C'est. Il se pose lui-même, enfin, il se définit lui-même en tant comme un oppresseur potentiel, et ça change tout. Et alors, à l'inverse du mouvement touche pas, alors le mouvement touche pas à mon pote, ben c'est Usul l'explique très bien. Rien que dans le titre, il y a un problème. Tout à fait. C'est plein de... Alors d'abord, il faut savoir qu'à la base, c'était une initiative de personnes racisées qui me semble ont fait le tour de France. Enfin, il y a eu une marche. Comme ça. De personnes racisées. Alors je vais pas vous donner, je vais pas vous parler exactement du truc parce que je le ferai mal. Allez voir un peu voilà, comment c'est. Il vaut mieux se renseigner vous-même sur le sujet si ça vous intéresse. Mais rien que le nom touche pas à mon pote, voilà. Je suis pas concernée par le racisme et je parle du sujet de la personne racisée. Mais moi-même, je ne suis pas un oppresseur. Attention, je suis le gentil blanc ou la gentille blanche qui va au secours de cette personne. C'est ma posture, c'est ma position. On parle juste même pas, on parle pas encore de contenu. On parle de posture. Ah, en féminisme, je voudrais citer La domination masculine de Bourdieu. C'est un ouvrage qui est énormément cité. Je suis bien content qu'il existe cet ouvrage de Bourdieu. Il est bien, en vrai. Alors, malheureusement, je ne l'ai pas lu, donc on ne pourra pas... Ouais, puis Bourdieu, apparemment, tout le monde en dit tout et n'importe quoi, donc avec un résumé... puis même, voilà. Même en l'ayant lu, apparemment, on peut dire des âneries, donc... Mais le truc, c'est que sa position, sans parler du contenu, il a la position de l'homme blanc privilégié, donc il a l'espace de parole. Il est au moins homosexuel. Rappelons-le quand même. Non mais bon, voilà. Oui, non mais là il parle de la domination masculine. Oui. Donc oui, pas hétérosexuel. Voilà. On est d'accord. Ici parler de la domination hétérosexuelle à la rigueur, je ne dirais rien. Mais même si ça en fait partie. De la domination masculine, il y a la domination hétérosexuelle. Je dis simplement que la posture de Bourdieu en tant qu'homme cis blanc et lui donne une validité, un espace d'expression plus large qu'une femme. Les personnes oppressées, elles rencontrent beaucoup plus d'obstacles pour accéder à la parole, à être valides dans cette parole, en tant que non concernées, et à même être légitimes sur ces questions et ces problèmes. Et du coup, c'est que ces oppressions-là, on a l'impression qu'elles finissent par être discutées uniquement par des personnes privilégiées entre elles et qui ne sont pas concernées par le sujet. Alors, je caricature pas, mais je grossis, parce que c'est pas vrai non plus. Mais c'est un peu quand même ce climat-là qui est... Voilà, je vais reprendre. Je vais reparler de racisme parce que, enfin, des questions de racisme parce que pour moi c'est le pire du pire. Il y a un intellectuel français, Aimé Césaire. Oui, Aimé Césaire. Ah oui, tu m'en parlais, oui. Et Aimé Césaire, alors peut-être que tout le monde le connaît, mais moi, j'avoue que j'ai d'abord connu Touche pas à mon pote, j'ai connu après Aimé Césaire. Voilà, c'est... Ouais, moi-même, je suis un peu à la ramasse sur donc, les voilà, Césaires. Donc, et c'est pourtant un concerné qui a largement étudié la question postcolonialiste et les questions de racisme. Et il se trouve que cette personne, par contre, on peut rencontrer beaucoup de ce qu'elle a écrit, de son idéologie sur France O. France O, donc la télé des dom-toms. Tout à fait. La chaîne publique. Tout à fait. Eh bien, en France, voilà, on entend beaucoup les Blancs en parler, on entend beaucoup quelques figures en parler au gouvernement, on a même plein de gens au gouvernement racisés, mais qui, bizarrement, n'ont pas trop un discours, mais bref, qui va aider les concernés, alors qu'eux-mêmes le sont. Mais voilà, c'est juste pour dire ça. Donc ça, c'était la première... C'est juste la posture, on n'a même pas examiné le contenu, c'est juste le problème de la posture. Maintenant, dans le statut de concerné, il y a la posture... Mais être concerné, c'est pas qu'une question de posture. Ça va aussi avoir une influence sur le contenu. Ça va aussi avoir une influence sur... sur le discours tout court. C'est-à-dire que... être non concerné... Alors, c'est bizarre, encore une fois, mais parfois, être non concerné, on pourrait dire « bah, la personne a du recul, c'est un gage d'objectivité. » Mais non. Le problème, il est vu par le prisme de son propre statut de privilégié. Et le discours tenu, il est donc potentiellement biaisé, cliché, voire faux, ou voire même carrément oppressif. Même si, à la base, la personne était pétrie des meilleures intentions du monde. Mm-hmm. C'est un leurre, l'objectivité. On n'est pas objectif parce qu'on n'est pas concerné. Je voudrais aussi parler, Aimé, j'aimerais bien que tu en fasses la définition, parce que ça en parle complètement, de ce qu'est le cisplaining, le mansplaining, le whitesplaining. Ah ouais, ça j'aime bien ça. Ah oui, oui, oui, je vais le faire. Il me semble que ça concerne pleinement le contenu du statut privilégié. Et en plus là, c'est carrément défendre son statut de privilégié. Alors, tout en voulant expliquer, bon, explique ce que ouais, c'est. Oui, voilà. Alors, donc ouais, le cisplaining et tout ça. Alors, au départ, il me semble que ça vient de mansplaining, la première expression à avoir été faite. Donc c'est un mot valise, hein, fait entre le mot man et explaining. Donc on l'a appelé la m'explication, je crois, yes. Chez nos amis québécois qui aiment bien franciser tout ce qui se passe. La m'explication, c'est l'explication d'un mec. Alors généralement, ça se traduit par un homme qui vient expliquer à une femme que son combat féministe ne va pas, ou qu'il est mal fait, ou que lui, il comprend mieux le féminisme qu'elle, parce que... Je me sens même pas obligé de donner des exemples, tellement j'ai l'impression que ça arrive tout le temps, mais je vais quand même essayer d'en donner un. L'exemple quoi. Typique. Alors ça, c'est des arguments. Ils sont pas typiques aux hommes, ces arguments-là. C'est juste que quand c'est un homme qui le fait, c'est du mansplaining. Mais par exemple, les féministes qui sont activistes chez nous, un des trucs qu'on peut leur répondre et que des mecs leur répondent des fois, c'est bah ouais, mais si tu veux vraiment aider le droit des femmes, pourquoi tu vas pas aider les femmes afghanes qui elles sont voilées. Oh là là, attention, là il y a du racisme un peu caché aussi. Et d'islamophobie, aussi... et s'accumule, hein. Il y a aussi une façon de voir sa culture comme étant magnifique et de se dire que chez les autres c'est pire. Ouais, de néocolonialisme, voilà. Et tout. Ouais, non, c'est la fête du slip, hein, cette expression. Et du coup, pour moi, c'est vraiment aussi, non seulement c'est une influence de posture, mais sur le contenu du discours. Le contenu de ton discours est influencé par ta posture de privilégié. Alors, c'est ce que tu me faisais remarquer en préparation du podcast, c'est que souvent ce sont des gens qui finalement défendent leur position. Bah, moi je trouve, oui. C'est intéressant, il faudrait que j'y réfléchisse par rapport à quand je regarde mais on a eu un très beau cas de mansplaining récemment dans le milieu du jeu de rôle. On va réussir à rattraper les wagons, on va parler de jeu de rôle au moins une fois aujourd'hui. J'ai poussé une gueulante là-dessus récemment. Il y a un jeu de rôle qui est en plein crowdfunding qui s'appelle 1%, je le dis en français, tiens, 1%, et qui est, donc c'est un jeu de motard qui interdit de jouer des femmes et qui met le cul d'une nana en gros plan sur la couverture, etc. On leur a fait remarquer que c'était pas ce qu'il y avait de plus classe, qu'en plus que des nanas bikers il y en avait eu, qu'il y avait eu des gangs de bikeuses et des nanas chefs de gangs de bikers. Donc en plus, enfin bref. Et il y a eu un article écrit par un homme pour expliquer que cet argument était un peu... trop, tu vois, c'est un peu trop féministe, qu'il allait un peu trop loin, parce que le jeu, au contraire, en mettant en scène une hyper virilité et un hyper machisme, forçait le joueur à prendre position vis-à-vis de ça. Pourquoi pas ? C'est un peu bancal, mais pourquoi pas ? Et juste après, on a un autre mec qui est venu écrire un article, sur un site d'ailleurs qui parle même pas de jeu de rôle, il avoue lui-même que c'est une sortie de route par rapport à leur ligne éditoriale, comme nous aujourd'hui, tiens. Où il explique que en fait, si le jeu est réaliste, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de femmes dedans, parce qu'en vrai, il n'y a pas de femmes dans les gangs de motards, ce que je viens de dire, hein, n'est pas vrai. Et donc, en fait, on a deux mecs qui viennent nous expliquer que les critiques ne sont pas des problèmes, quoi. Alors, ils le font pas à des femmes, mais parce qu'il n'y a pas assez de femmes dans le jeu de rôle pour qu'il y ait des féministes gueulardes, à mon avis. C'est pour ça que j'ai pris l'initiative de poster un post sur les ateliers imaginaires en mode... Merci les rôlistes mecs de bien nous apprendre ce qu'est le sexisme. Alors oui, c'est un côté splaining, c'est vrai que ça s'adresse pas directement à des femmes. Mais est-ce qu'au du coup, on va pouvoir plus généralement dire le splaining, le fait de splainer, je sais pas si ça se dit d'ailleurs, splainer. Il y en a qui des fois utilisent le splainer. L'explication. Voilà, ouais. Voilà. C'est le fait d'être... par exemple, je suis une personne cis. Enfin, je ne suis pas une personne cis, mais admettons que je sois une personne cis. Eh bien, je vais aller voir une personne trans. Ou je ne veux pas aller la voir, d'ailleurs, spécifiquement pour faire ça. Mais je discute avec elle. Et je vais lui expliquer comment elle doit vivre sa condition de personne trans. Donc, déjà, je suis privilégiée par mon statut. Je suis bien, tout le monde m'écoute. C'est cool. J'ai plus d'espace. Je peux même parler vachement beaucoup. Et en plus... Eh ben, je vais. Mon contenu va être directement influencé par ma position et j'en viens à carrément invalider le discours de la personne concernée. J'ai un excellent exemple. Un shitstorm que s'est pris Maître Eolas dans la gueule sur Twitter. J'aime bien Maître Eolas, mais. Ouais, ouais, hein. Et voilà, voilà, des fois il fait un peu grincer des dents, quoi. Passons. Mais et une fois, ouais, il y avait eu cette fameuse histoire de gens qui avaient posté des photos d'une soirée où ils étaient tous en mode blackface. Ah. Alors le blackface, hein, ce sont des gens qui se griment en noir, qui se déguisent, ils se mettent du marron sur la peau. Les plus fous d'entre eux, enfin les plus courageux, les plus dingues, les plus audacieux vont jusqu'à se faire des grosses lèvres rouges comme dans les dessins animés des années 60. Et voilà, et donc c'est quelque chose qui est très régulièrement dénoncé par les personnes de couleur comme étant du racisme, de l'appropriation culturelle, ou enfin de l'exotisation en tout cas, etc. Et voilà, c'était venu leur expliquer que leur avis ne valait rien, parce que dans la loi, le blackface n'était pas considéré comme raciste. En tant que juriste, ils se tenaient, mais ils n'arrivaient pas à ne pas leur entendre. Bah, en tant que juriste, enfin au niveau de la loi, en tout cas apparemment, c'était à peu près clair. C'est pas parce que... Mais ils voulaient pas entendre que c'était raciste quand même. Ça, c'est point de vue positiviste juridique. C'est de dire que parce que la loi, elle est comme ça, donc elle est valide. C'est bien évidemment faux. On a l'exemple du régime de Vichy. Mais non, mais en plus, c'est Olas, des fois, il critique la loi sur certains points, notamment avec certains trucs européens. Donc là, d'un seul coup, il est aveugle. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait, quoi ? C'est quand même étrange. C'est super bien que tu parles de l'appropriation culturelle, parce que justement, par rapport au contenu, j'allais en parler. L'appropriation culturelle, ça ne peut être fait que par des privilégiés, que par des blancs, en fait, et des blanches, soyons honnêtes. La pire appropriation culturelle qu'on puisse faire, c'est simplement se déguiser dans le stéréotype, le fantasme d'une culture opprimée. Donc le pire, c'est le gars qui arriverait dans une soirée en blackface, enfin même pas black body quoi, avec tout le corps et avec genre des cocotiers autour de la... Tout à fait, voilà, ça c'est carrément, c'est faire d'être noir un costume et de le ridiculiser ou en faire une blague. Enfin, c'est vraiment complètement oublier les enjeux oppressifs autour de la question du racisme. Donc voilà, et ça c'est quelque chose qu'on... On a la posture pour le faire. On a le droit de le faire, parce qu'on est légitime dans tout ce qu'on fait, puisqu'on est dominant. Et en plus, le contenu, il est carrément... là, il est carrément oppressif. Je vais parler d'un autre sujet. On va naviguer comme ça un Transition. Peu. Transition. Voilà. La prostitution, la récente loi sur la pénalisation des clients de prostituées. Et alors là, ça a été une catastrophe. C'est là qu'il y a eu pas mal de mansplaining de la part de Patrick Jean et de ses copains de Zéro Matelot. C'est eux qui ont lancé la campagne « Je ne suis pas client ». Donc déjà, il y a ça. Mais alors, quand ce sont des femmes qui vont en plus aller expliquer à des femmes prostituées, ou pas que des femmes d'ailleurs, mais à des personnes prostituées, qu'elles n'ont rien compris, qu'elles sont aliénées, qu'elles ridiculisent la cause de la prostitution... Comme quoi, c'est nécessairement du viol, etc. C'est ça. Et en plus, peut-être qu'il y a des prostituées qui pensent ça, mais c'est juste, moi, là, en l'occurrence, j'ai envie d'écouter les prostituées parler. Voilà, de ça. J'ai pas envie qu'on les confonde avec les personnes qui subissent la traite, qui sont dans une situation d'esclavagisme, parce que c'est pas la même chose. Mm-hmm. Et ça, on n'arrête pas de... Même si l'un n'empêche pas l'autre, on peut cumuler. Tout à fait. On peut être un esclave et être un esclave sexuel. Mm-hmm. Voilà, on peut être un esclave et être un esclave de... et être soumis à faire d'autres tâches que... des tâches sexuelles, enfin des services sexuels. Et on retombe toujours dans les mêmes travers. Ça, typiquement, c'est utiliser son privilège de femme blanche bourgeoise pour venir parler aux femmes de classe inférieure ou aux femmes racisées ou aux femmes trans pour leur dire c'est comment un bon moyen pour s'en... c'est quoi le moyen acceptable pour s'en sortir dans la vie, et que la prostitution fait d'elle des victimes. Pourtant, dans la question de la prostitution, il y a Morgane Merteuil, qui est une femme qui explique très bien les choses, qui le fait vraiment... moi, j'invite les gens à l'écouter. Elle se place vraiment dans une problématique du... Elle est très forte. Hein. Voilà, c'est quoi la violence de l'emploi tout court, tous les emplois. C'est quoi la violence quand, pour sa survie, on est obligé de faire quelque chose qui est violent pour nous. Elle parle de ça, elle parle de toutes ces choses, et surtout elle dit, mais on ne va certainement pas... Alors, si tant est qu'on puisse penser que la prostitution soit quelque chose de pas souhaitable, on va certainement pas aider les personnes prostituées à sortir de la prostitution sans régler le problème même qui fait qu'elles sont dans une situation de merde. Ça ne va rien résoudre. Donc, voilà, comme c'est pas... On parle pas là aujourd'hui de la prostitution, je vais couper sur le sujet de la prostitution. et je vais passer à autre chose. Mais sinon, enfin, ce que tu as dit juste avant, ça me fait penser qu'en fait, c'est une réflexion qui me vient, hein, dire qu'on est esclave au travail, c'est quelque part aussi déplacé que dire qu'on est otage de la SNCF qui fait grève, quoi. Tout à fait. Alors, c'est super que tu dises ça. C'est vrai qu'on a un peu banalisé l'utilisation du terme esclavagisme. Et je suis pas... Alors, c'est un sujet qui m'émeut parce que... Alors qu'on a exploiteur. Voilà. C'est très bien, exploiteur. C'est effectivement un mode d'exploitation, mais c'est un mode d'exploitation. Et l'esclavagisme a été vécu par les personnes racisées, par les personnes noires. Juste un exemple. Un exemple horrible, c'est le que j'ai découvert au travers du film Vénus Noire de Abdelatif Kechiche. Ah oui. Donc ça raconte un peu l'histoire de cette femme noire qui donc a été mise en scène ou s'est mise en scène elle-même. Le film est un peu ne dit pas dans des spectacles exotiques. Cette femme-là a été étudiée en tant qu'espèce rare par la communauté scientifique. On s'intéressait particulièrement à certaines parties de son anatomie, car spécifique. Enfin, je dis pas que c'est ce que moi je dis. Hein. Oui, non, mais c'est eux. Ils devaient dire ah, c'est des noirs, ils ont des grosses lèvres, enfin des trucs comme voilà, ça. Voilà, tout à fait. Je les vois très bien, les gars. Si vous voulez les détails, tapez Vénus Noire. Voilà, j'ai pas envie de donner. Je trouverais ça indécent de les donner. Ah, parce que c'est pire que ce que je viens de dire. Oui, c'est. Oh là là. C'est horrible. Cette femme a été est morte très jeune d'alcoolisme, de maladie. Quand cette femme est morte, son corps a été moulé et il a été exposé en France au musée d'histoire naturelle à Paris jusque dans les années 70. Et quand une personne racisée me dit que toute personne blanche est indécente à parler d'esclavagisme pour se nommer elle-même, alors je vais pas parler des exceptions, des personnes qui vont se retrouver, enfin. Ne parlons pas d'exception, parce que c'est pas l'exception qui... Oui. C'est l'exception qui confirme la règle, justement. Donc, toute personne blanche, a priori, n'a aucun droit à se dire esclave. On n'est pas esclave d'un travail. L'esclavagisme, c'est quelque chose de précis. C'est des gens qui ont été déportés. C'est des gens, aujourd'hui, aux États-Unis qui ne connaissent pas l'intégralité de leur ascendance. C'est hyper grave. Ça aussi, c'est une façon de se comporter en tant que dominant blanc. C'est horrible. C'est encore une influence de posture et de contenu. C'est quelque chose, et on les silencie complètement. Donc voilà, je fais super bien de parler de l'esclavagisme, parce que non, nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes des personnes exploitées, mais nous ne sommes pas des esclaves. D'ailleurs, j'ai une petite blague, c'est la différence entre le bon et le mauvais exploiteur. Il y a le mauvais exploiteur, tu comprends, c'est un grand patron, il exploite, alors que le bon exploiteur, c'est un patron de PME, il exploite, mais c'est pas pareil. Ces patrons de petits bars, ah là là, les patrons de boîtes qu'ont que 7 salariés. Ils sont tellement sympas, ils le savent, leurs employés. Pourquoi tu... Non, parce que souvent on nous dit, oui, mais les petits patrons, c'est pas comme les grands, alors que leurs employés en chient tout pareil, voire même plus. Donc ça, je voulais juste le rappeler, c'était ma petite pique au passage. Ok. Bon. C'est pas le sujet, mais... Je digresse, pardon. Alors, la suite. Je vais parler des films de fiction. Ah, les films. Je vais parler des films de fiction et je vais parler d'un film, les films de fiction. Alors, les films de fiction, c'est rigolo parce que... Bon, je vais pas parler des films... Déjà, t'as parlé de Vénus Noire. Vénus Noire, il a été réalisé par... Par Abdelatif Kechiche. Alors, c'est une personne qui, effectivement, qui est racisée, qui est originaire d'un pays de Nord-Afrique, il me semble. D'accord, on va éviter de dire une année. Voilà, je vais pas parler parce que c'est pas comme ça de mémoire. C'est un film qui, dans les milieux militants racisés, n'a pas été particulièrement critiqué. Bon, moi, il n'en reste pas moins que ça reste un homme qui parle, et qui parle d'une femme. Oui, d'accord. Moi, j'ai pas trouvé qu'il le faisait mal. J'ai pas trouvé qu'il exotisait cette femme. Mais c'est que mon avis, je suis pas concernée. Finalement, qui suis-je pour en parler ? Je préférais qu'un concerné s'exprime sur ce sujet. Et puis ton avis est révisable à tout moment. Voilà, tout à fait. Si jamais quelqu'un vient dans les commentaires pour nous dire « Ah, mais en fait, Vénus Noire, c'est un scandale tout parce à que... » J'ai pas de problème. X ou Y, quoi. Exactement. Aucun problème. Je suis tout d'ailleurs, n'hésitez pas, si on défend un truc... Si Vénus Noire, vous trouvez que c'est de la merde, dites-le nous. On préférerait être au courant si on l'a pas vu, quoi. Non mais voilà, si c'est de la merde et qu'on l'a pas vu, dites-le. Et nous, en fait, quoi. C'est même carrément ça. C'est tout à fait ça. Alors pour parler des films de fiction, je vais distinguer deux catégories. Il y a des films de fiction qui ne parlent absolument pas d'une injustice sociale et d'une oppression. Dans ces films-là, on va constater des injustices sociales, des oppressions. Il ne s'agit pas de ces films-là, parce qu'on pourrait enfin en parler pendant des heures et des heures. C'est pas de ça qu'on parle. On va parler des films qui ont la prétention de parler d'une oppression ou d'une injustice sociale. Ouh là là. Et des films, alors, qui vont avoir une vision fantasmée de cette injustice sociale, et qui vont avoir une vision fantasmée et des oppresseurs, et des héros blancs, et des opprimés. Et donc, le meilleur exemple, l'un des exemples très connus que tout le monde presque connaît, c'est Danse avec les loups de Kevin Costner. Donc, c'est un gentil homme blanc, se définissant comme un héros, qui va aller sauver un peuple opprimé, qui va être largement exotisé lors de ce film. Alors, en fait, Danse avec les loups est un exemple assez mauvais, en fait. Ah, assez mauvais. Ouais, parce que, il n'y a pas d'exotisation dans Danse avec les loups. Il faut savoir que Kevin Costner a tout fait pour travailler avec des personnes des réserves, qu'il a même sorti des sous pour embaucher une personne, une femme, qui a permis de retrouver les origines de la langue. C'est une langue Sioux. Enfin, Sioux, ils aiment pas le terme. C'est les Dakota. Non, pas les Lakota, voilà. C'est les Lakota. Et donc, c'est une langue qui était perdue, hein, comme beaucoup de toutes ces langues. Et donc, les autochtones parlent réellement le Lakota dans le film. Donc, il y a quand même... acteurs, il les a choisis parmi des natifs. Parce que... Enfin, ou des descendants de natifs, forcément. Il se trouve que ce sont des natifs qui ont fait ces reproches. Il y a des natifs qui ont fait des reproches, mais en fait, il y a eu un natif, principalement, qui a fait des reproches sur... Alors, cette critique est très importante à faire. Parce que c'est vrai qu'il y a le complexe du sauveur blanc dans le film. Bah ça, C'est vrai qu'il y a le contexte du noble sauvage. Pas le sage, le noble. C'est-à-dire qu'ils ont une noblesse. Parce qu'il y a le bon sauvage et il y a le sauvage noble. C'est pas exactement le même. C'est une forme d'exotisation. C'est une forme d'exotisation. Le problème, en fait, c'est que ça sert souvent à se dédouaner. C'est ce qui a été reproché à Kevin Costner. C'est qu'en faisant des sauvages des nobles, on peut pas l'accuser d'appropriation culturelle parce que... Je l'ai pas accusé d'appropriation culturelle. Mais, non, mais c'est la rhétorique. Parce que, dans le film, il y a au moins deux personnages racisés, autochtones, qui sont montrés comme au moins aussi exceptionnels que lui. Juste, l'accent n'est pas mis sur lui. Mais au final, ça reste quand même l'histoire d'un blanc qui leur sauve deux fois la mise. Donc bon, au-delà de ça, Kevin Costner a mis le quart du budget du film, il vient de sa poche. Il y a eu beaucoup d'argent qui est parti ensuite dans des réserves pour aider les descendants Lakota et Sioux. Et parmi les racisés qui ont fait des critiques, l'autre grosse critique qui a été faite par des autochtones, il faut savoir que les Lakota ont deux langues, dans cette tribu-là, quoi. Il y a deux langues, une parlée par les hommes, une parlée par les femmes. J'ai lu à l'époque et j'ai pas réussi à retrouver comme quoi c'est vrai ou pas, donc je le dis, mais je sais pas si c'est vrai vraiment. D'ailleurs, si quelqu'un sait, j'aimerais bien le savoir. Mais comme quoi, en fait, la langue parlée par les femmes leur était exclusive, et que du coup ça leur permettait d'avoir un certain ascendant sur les hommes en leur permettant d'échanger des choses que eux ne comprennent pas. Ça, c'est à vérifier, mais passons. En tout cas, dans le film, vu que ça a été traduit par une femme, tous les membres du cast parlent comme des femmes. D'accord. Et en fait, pour des raisons de simplification, notamment pour les actrices autochtones, ça allait être très difficile de leur dire, quand tu vas parler à un homme, faut que tu parles en telle langue, apparemment, il y a très peu de différences, donc l'argument est faux aussi. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que l'argument des autochtones pour dire que le film était trop exotisant et qu'il ne les représentait pas en vrai, c'était, moi avec mes copains, on a vu les filles regarder parler comme des bonnes femmes, on a rigolé pendant tout le film. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. C'était fou, tu vois. Je sais pas, on a reproché à ce film, par exemple, de ne présenter qu'un seul mode de vie indien. Qu'un seul mode de vie... Natif. Natif. En même temps, on est chez les Sioux, enfin... Je suis d'accord avec toi, ok. Je vais prendre un film... Je dis pas que j'ai raison, d'accord, ok, ma critique est trop virulente. Je vais prendre un autre film, qui est le film Dead Man, de Jim Jarmusch. On voit... que les natifs ont un mode de vie dans des maisons, ont... Alors après, dans ça avec les loups, c'est un peu la facilité, c'est que les Sioux, c'est l'Indien. C'est l'Indien avec ses plumes, avec ses trucs tels qu'on le voit depuis 70 mais du coup, ans. C'est l'Indien qui nous plaît peut-être à voir. C'est vrai. Tel qu'on le fétichise, nous. C'est vrai. Rien que le dernier des Mohicans, il montre pas des Indiens comme ça, il montre des Hurons et des Iroquois et tout ça, et des Cheyennes, et c'est... Je vais peut-être pas. Peut-être que la critique est. Non, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que la critique, elle doit exister. Elle doit être faite parce que c'est vrai de le dire. Qu'il y a le complexe du sauveur blanc, que, dis donc, enfin, il y a un aspect comme ça. Mais quand même, moi, ce que je vois, c'est que le Costner a quand même fait beaucoup avec le film, mais même avec les conséquences du film pour la communauté. Mm-hmm. Et il y a des racistes, des autochtones qu'on dit, hein. Nous, dans les tribus, dans les réserves, on a un tel sentiment de reconnaissance vis-à-vis de ce film qu'on va avoir du mal à trouver quelque chose qui nous fasse autant de bien au cœur. Oui, oui, je comprends. C'est fou, tu vois. Parce que les autres les traitent tellement mal. Ah, mais tu te rends compte là où on est rendu, quoi. Ah oui, bah, non, mais oui, c'est justement là. Oui. C'est moi, je me dis, mais c'est mon Dieu. Le constat est affligeant pour la réalité, quoi. Je vais parler d'un autre film, je vais parler de Amistad de Steven Spielberg. Une autre critique qui a été faite sur le film comme quoi c'était de l'exotisation et que les Sioux sages et nobles, c'était pas vrai. C'était une critique faite par un écrivain conservateur qui disait que les Sioux c'était des assoiffés de sang. Bon, le mec qui a dit ça est mort en 2002, grand bien lui fasse. Il était question de parler de la critique là, de vraiment dire que c'est encore une fois, on nous présente un mode de vie des natifs. Que tout le monde a comme tel que le blanc se le représente, voilà, et que ce n'est pas le seul, et que c'est une culture qui est bien plus riche, enfin qui est bien plus riche. C'est pas que c'est pas riche ce mode de vie là, mais qu'il y a plein d'autres choses à découvrir et qu'on peut en parler différemment. J'ai presque envie de dire que moi vraiment ce qui me fait suer à 100 à l'heure dans ce film, c'est le personnage de Kevin Costner. Oui. Il se met à danser autour d'un feu. Je sais pas quoi penser devant cette scène. Qu'est-ce que je pense devant cette... Je vois un blanc qui grime des personnes avec qui, mais malgré tout, il vit avec, donc il est peut-être légitime à le faire parce que ça c'est le grand mythe, oui, du retour à la nature. Voilà, c'est ça, bien sûr. Me fait bloquer. Cette critique, elle doit exister. Voilà, c'est juste ça. Juste, moi, je dirais pour répondre, et puis après, voilà, hein, à chacun de se faire son avis, mais c'est que moi, je l'aime bien, j'ai un rapport affectif à lui, donc après, c'est peut-être moi. Hein. Mais j'avais un rapport affectif mais aussi à lui. Ce film, tu vois, je trouve qu'il a un peu le critiquer sur la réappropriation culturelle. Alors, si on enlève Costner, hein, vraiment, parce que Costner, il aime trop se mettre comme le mec bien du film. Juste, appropriation culturelle. Oui. On s'approprie la culture d'autrui. Oui. Mais la réappropriation, c'est encore autre chose. Comme quand on dit que Game of Thrones est sexiste, alors qu'en fait les femmes dedans sont toutes des victimes et que les hommes sont des pourritures. Alors les blancs sont tous des pourritures dans ce film. Même le pauvre marchand qui l'emmène jusqu'au camp, c'est un minable. Game of Thrones. Dans Danse avec les loups. Oui, mais. Et les militaires, quand ils arrivent, on se rend compte que les blancs en tant que société, c'est le pire, quoi. Mais c'est l'idée même qu'un peuple opprimé ne peut pas s'en sortir autrement que par l'intervention d'une personne blanche. Et sauve la mise en trouvant les fusils enterrés, voilà, etc. Je vais donner un autre exemple, c'est Amistad de Steven Spielberg. C'est l'histoire de personnes noires qui sont déportées sur le continent américain et qui vont se révolter. Ok. Sur le bateau. Et qui, alors... Une fois... pas très connu, lui, dis donc. Non, mais bon... Et une fois arrivé sur le continent, il va y avoir un jugement qui va être fait. Et là, comme par hasard, on va encore nous présenter un gentil blanc qui va venir défendre les personnes racisées avec des clichés absolument catastrophiques sur la vision qu'on puisse avoir des personnes racisées. Alors... Peut-être que finalement, c'est pas cliché, mais je pense que il y a le traitement cinématographique qui va exotiser les choses. Qui va en faire quelque chose vraiment qui va rendre la chose pittoresque, carte postale, tu vois. Au lieu d'essayer vraiment de rendre compte de ce dont on parle. Donc je. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment c'est. Même au niveau de l'esthétique, même si c'est pas voulu, quand on voit Kevin Costner porter son pare-flèche, enfin oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment ça. Alors je vais pas dire que le ressenti des personnes concernées ne compte pas, hein, surtout pas. Si ces personnes considèrent que ce film a été positif, je vais pas dire le contraire. Donc je vais pas dire le contraire, voilà. Je trouve que cette situation elle est dans le cerveau compliqué. Bah pour des films comme ça, je pense que du coup la bonne position à avoir c'est ce qu'on dit là, c'est ces critiques doivent être formulées au moins pour questionner, une critique positive quoi, dans le sens je me pose la question, parce que elle doit être posée quand on voit ce genre de choses, il faut poser cette question là. Obligatoirement, je veux dire si on le fait pas, on risque de laisser rentrer n'importe quoi. Après, c'est pas du tout comme... je vais prendre un exemple où là, pour le coup, j'ai pas de doute et où je vais pas attendre le point de vue des racisés, c'est Pocahontas, c'est une honte. Non, j'ai pas vu Pocahontas. C'est une honte. C'est n'importe quoi. Bah, et, j'ai l'impression que c'est un schéma... Alors, dans les elle fictions... parle aux plumes et... Oh mon Dieu, une voilà. Boussole. J'ai l'impression qu'il y a un schéma typique dans les fictions occidentales, c'est qu'on a un héros blanc. Souvent un d'ailleurs, pas une. Des personnes racisées qui ont un rapport à la les bons sauvages. Oui voilà. Les personnes, ou nobles. C'est tout le temps et voilà et c'est un schéma et c'est un schéma. Bah je suis désolée mais qu'on retrouve dans Touche pas à mon pote. Les nobles blancs qui vont défendre les bons racisés. Ah, tu oui, vois d'accord. C'est ça que je veux dire. C'est que c'est bizarre c'est de retrouver un peu le même schéma. Et pour le coup, si je prends par exemple le Parti indigène de la République, touche pas à mon pote, c'est pas possible, c'est pas ça. Ah non, non, ouais, non, le pire et touche pas à mon pote, c'est pas trop compatible. Voilà. Hein. Et même, je crois qu'avec SOS sexisme non plus, c'est pas. Bon, non, mais le pire, de toute façon. SOS racisme, pardon, c'est pas. Ah non, oui, non, SOS racisme, pareil, SOS ouais. Racisme, de toute façon, la LICRA, hein, pareil, voilà. Hein, c'est pas la peine. Hein. Donc, bon. Donc, moi, je sais pas, bon. Alors, la LICRA, encore, ça dépend. Je veux pas m'avancer. La question. Je vais aborder un dernier film. Mais c'est encore une question de race, c'est encore sur des questions raciales, je suis désolée. C'est pas grave. C'est Bande de filles de Céline Sciamma, que j'adore. Alors, je vais juste dire de quoi ça parle. Ça traite de l'oppression sexiste dans un milieu de banlieue. Les personnages principaux sont des femmes noires. Et donc, on va suivre ces femmes dans leur vie quotidienne. Et on va voir toutes les oppressions qu'elles subissent vis-à-vis des garçons. De leur entourage. La critique du pire a été à l'égard de ce film, ça a été très salé. Ouais, le pire, de toute façon, mâche pas trop leur mot. On a reproché l'exotisation, on a reproché les clichés, on a reproché un tas de choses. Bah voilà, c'est encore un film. C'est l'idée de parler de tout ça, c'est qu'on peut, se poser des questions sur le contenu d'un discours. Quand il est émis par une personne qui est privilégiée. Et puis en plus, moi, je sais qu'en tant que personne, oppressée, on a une personne privilégiée qui nous défend, mais on lui donne des cookies. On donne des cookies. Et en fait, je me demande à quel point on n'est pas influencé et on n'est pas séduit à l'idée que enfin quelqu'un prenne notre défense, même si ça implique qu'on doit fermer sa gueule et laisser cette personne parler et nous définir à notre place. C'est comme le jeu de rôle avec Maxime Chattam, en fait. C'est-à-dire ? Bah, on est tellement content que quelqu'un de connu fasse notre promotion qu'on doit fermer notre gueule. Parce que Maxime, il est tellement formidable. Mais non, mais t'as trop raison, c'est exactement ça. J'ai rien contre Maxime Chattam. Hein. C'est exactement ça. Je voudrais citer un dernier exemple et après on pourra passer à notre seconde partie. C'est le cas du FN. Alors. Le Front National. C'est le cas du FN. Alors, le cas du FN. Alors, d'abord, c'est un parti politique. Est-ce que c'est un parti politique que l'on peut définir dans une position de domination ? Alors, en termes de politique, non. Mais ses adhérents sont clairement, généralement, des gens dominants. Alors, en tout cas, son fer de lance, Marine Le Pen, a priori, oui. Oui, elle, clairement, c'est une dominante. Marion d'ailleurs elle s'appelle en vrai. Ouais. Non mais les rappeurs, tout le monde aime bien rappeler leur vrai nom pour rappeler que c'est des humains, et Marion Le Pen, tout le monde lui sert la soupe, donc j'aime bien rappeler son vrai prénom. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Donc c'est difficile de dire est-ce que c'est une posture de dominant, parce que ben, c'est un parti politique, donc c'est difficile de dire s'ils ont des privilèges de liés, s'ils sont privilégiés. En revanche, pour le contenu, il y a un truc que je remarque, que fait souvent le FN, c'est que ils vont partir d'un constat, ils vont partir du principe que les Français sont pauvres en ce moment. Ils subissent la pauvreté, c'est horrible. Il y a des gens, ils peuvent plus payer leurs soins. Ils constatent une situation d'injustice sociale. Et ben, la rhétorique du FN, c'est que plutôt que de traiter ces injustices sociales et de chercher qui domine, pourquoi, d'aller regarder du côté des dominants, et ben ils vont aller regarder du côté d'autres opprimés, souvent des personnes racisées. Alors bon, en ce moment, c'est plus les racisés, c'est les migrants, où ils vont aller pêcher donc du côté d'un autre groupe social pour expliquer, pour en faire les oppresseurs d'autres personnes oppressées. Mmh. C'est une rhétorique qui est complètement hallucinante quand on y réfléchit bien, parce que la logique, je suis opprimée, je vais chercher qui m'opprime, et c'est forcément une personne qui me domine. Ça peut pas être quelqu'un qui est en dessous de moi qui me domine. C'est illogique. Mais si, tu comprends, c'est les minorités. C'est elles le problème. Et, voilà. Et donc, je trouve que cette grille d'analyse est assez bonne de regarder si on est dans une posture de domination et le contenu. De regarder ça comme ça. De regarder qui domine qui. Voilà. Donc, c'était juste pour citer le cas du FN. D'accord. Je vais me permettre de faire une petite conclusion générale de cette première partie qui traitait du statut de non concerné, c'est-à-dire bénéficier d'un ensemble de privilèges. Alors, la conclusion générale, c'est de ne pas oublier que lorsqu'une personne cumule les oppressions, elle a moins de chances pour s'exprimer, elle a moins de chances pour que son ressenti et son du coup son ressenti est invalidé. A l'inverse, une personne ne subissant pas l'oppression aura plus de liberté pour s'exprimer, même si le contenu du discours est biaisé. Et pourtant, ce n'est pas pour autant que le... Et d'ailleurs, on l'a vu, hein, que le discours d'une personne non concernée est invalide, et particulièrement, ce discours devient valide, particulièrement si la personne non concernée devient une alliée, un allié. Et c'est de ça que... Et tu l'as abordé avec Kevin Costner qui se comportait... Ouais, c'est marrant, ça va, du coup... Voilà, on a déjà amorcé Usul, on a déjà amorcé l'idée que quand on se comporte comme un allié, finalement, ben, même si la posture, elle est à la base de dominant, eh ben, ça peut être valide, ça peut être valable, ça peut même être bien, tout simplement bien. Ok. Alors, d'abord, je vais donc aborder cette partie. On entame la deuxième partie. Tout à fait, c'est la deuxième partie. On va avoir intérêt à ce qu'elle soit plus courte. Hein. Le podcast est déjà bien trop long. Elle va être plus courte. Enfin, pas déjà bien trop long, mais il va l'être. En fait, elle va être plus courte parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Ouais. Donc, se définir en tant qu'allié. Se définir. Alors, être un allié, c'est se définir comme un allié et s'exprimer comme un ou une alliée. Alors, d'abord, je voudrais parler de se définir en tant qu'allié. Donc, je vais pas répéter ce qu'implique le fait d'être non concerné. Oui. Mais se définir en tant qu'allié, c'est admettre. C'est dire, bah, c'est ok, je suis dominant. Voilà. Je suis votre allié, je suis pas concerné, je suis dominant. C'est dire. Je suis une pourriture. Non, justement. C'est admettre ses privilèges. C'est admettre qu'on est un oppresseur ou une oppresseur potentielle. Et c'est au-delà de ça, c'est intégrer ça à son discours. C'est donc parvenir à identifier une oppression, à ne pas se sortir de ce système oppressif, mais à identifier qu'il y a bien une personne qui est oppresseur et une personne qui est oppressée. Je vais prendre l'exemple des films de Lars von Trier. Alors voilà. C'est de la merde. Alors attention. Alors Lars von Trier, c'est pas mal controversé, il y a des gens qui disent que c'est sexiste et tout. Hein. Tout à fait. Je sais très bien qu'il y a des gens qui ne pensent pas du tout comme moi, qui pensent l'inverse même. L'opposé de ce que moi je vais dire. Okay. Que je suis complètement ouvert à ce qu'on me dise, Mélanie, tu as dit de la grosse merde. Oui, comme sur tous les sujets qu'on a dit, voilà. Si jamais il y a de la merde qu'on n'a pas vue et vous avez des contre-arguments, n'hésitez pas, on est. Donc, je dis pas non plus que Lars von Trier est un féministe, j'en sais rien, je le connais pas, je sais pas s'il est militant, j'en sais rien, je sais pas, je connais que ses films, et je sais que c'est un homme blanc cis, et... un homme blanc cis. D'accord. Le reste, à la rigueur, je sais même pas, a priori hétéro. Et en plus, il fait des petites blagues sur les nazis, sur Hitler, Festival de Cannes, voilà, c'est tout ce que je sais de lui. Ah oui, ces petites blagues. Eh bien, il traite des... Quel gros troll, ce mec. Il traite des rapports entre les femmes et les hommes, cis, souvent, dans un contexte blanc, souvent. Donc, ah, c'est vrai, ça. Donc déjà, bon, il prend pas trop de... Il sait où il va. Mais sans oublier les positions de chacune. Et dans les films de Lars von Trier, je peux affirmer que dans les films que j'ai vus, hein, j'ai pas vu toute la filmographie, j'en ai vu beaucoup, mais j'ai pas tout vu, je peux assurer que les figures masculines sont pas du tout reluisantes. C'est-à-dire qu'on a affaire à des ordures, des lâches, des manipulateurs, des violeurs potentiels, des violeurs confirmés. C'est, bon, les mecs sont pas, les mecs sont clairement identifiés en tant que figure oppressive. Enfin, en tant qu'oppresseur. En tant que dominant. Le femme, il ne propose pas non plus un portrait hyper reluisant des femmes, mais bizarrement, on va comprendre pourquoi elle agit, pourquoi elle fait ça, pourquoi. Oui, alors que, enfin, moi, dans ceux que j'ai vus, j'en ai pas eu beaucoup de von Trier, mais je pense à Mélancolia, les mecs, leur seule raison d'agir, pour la plupart, c'est qu'ils sont minables ou faibles. C'est exactement ou, ça. Ou, enfin, sans conviction. C'est ça, voilà. Ce que tu veux, quoi. Enfin, mais c'est des merdes, quoi, les gars. C'est quoi. Ça. Donc, non, Mélancolia, c'est évident, quoi. Et bah, dans Antichrist aussi, hein, dans Antichrist, bien que le personnage, je vais pas spoiler, mais bien que le personnage. Ah non, hein, pas spoiler. Bien que le personnage principal féminin, bon, la conclusion soit ce qu'elle est, je peux affirmer que durant tout le film, on comprend cette femme qui vient de perdre son enfant. Donc, moi, je vais même au-delà, je me comprends même pourquoi elle l'a perdu, même si la raison qui fait qu'elle l'a perdu, absolument, je ne dirais pas pourquoi. Par contre, le mec, j'ai l'impression d'avoir affaire à juste monsieur monsieur non empathique, monsieur, je en plus, c'est bizarre, c'est un psychologue, le mec, qui psychanalyse sa femme, donc il a vraiment une posture de mindsplaining. En trois phrases, tu viens de me donner tellement envie de voir le film. c'est vraiment bizarre. C'est pas du mindsplaining qu'il lui fait, mais il... Enfin bon, c'est bizarre, mais voilà. Vraiment, hein, j'ai vraiment envie de le voir, maintenant. Donc voilà, donc je vais parler de l'inventaire. On a parlé de Usul. Usul, ouais. Lordon, par exemple, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ah, Lordon. Est-ce que c'est un allié ? Ou est-ce que c'est... Est-ce qu'il rentre dans la catégorie, au contraire, que j'ai citée, pas cool ? Bah, de ce que tu disais, non, ouais, Lordon, il est vraiment dans cette posture d'allié, notamment par rapport à ce qu'il a fait avec Nuit Debout, où avec Ruffin, ils ont été les instigateurs de ce truc-là, entre autres. Mais... Et après, ils ont tout fait pour s'en détacher, en fait. Ce qui leur a été vachement reproché, c'est quand ils ont vu que Nuit Debout, c'était en train de tourner comme le mouvement des 99% aux États-Unis. Donc c'est-à-dire qu'en fait c'était le carnaval tous les soirs sur la place de la République, mais que niveau politisation les gens commençaient à dire oh bah ouais mais tout le monde peut venir parler etc. Donc enfin moi je sais à Nuit Debout Poitiers on a des gens hein, qui nous disent qu'il faut laisser les gens de droite venir faire leur discours à Nuit Debout et puis à un moment bah Lordon il est arrivé il a dit non mais Finkielkraut c'est normal de le dégager on est de gauche donc il a un peu réaffirmé les positions originelles et ça lui a été reproché à ce moment-là. Parce que à ce moment-là, il commençait à reprendre les rênes, à refaire du splaining un peu. Mais bon, pour moi, c'était plus une réaffirmation que le mouvement devait être à gauche, donc c'est plutôt une bonne idée. Mais malgré tout, une fois qu'il a fait ça, il s'est re-éloigné du mouvement encore une fois. J'ai vraiment le sentiment qu'il sait qu'il a une posture problématique. Alors est-ce que je peux dire que c'est un privilégié, c'est un homme, donc déjà il a le privilège 6 mecs. Attends, il est riche, je sais pas combien il touche, Lordon, mais il touche pas moins de 4 cas par mois. Mais je sais pas, moi, du coup, je sais pas quelle est sa situation. Je sais juste qu'il est diplômé de HEC, qu'il a des diplômes de hautes écoles, mais je sais pas après ce qu'il touche. Donc, je sais pas si c'est vraiment, il est chercheur au CNRS. Voilà, c'est pas les places les moins payées. Hein. A priori, ça va plutôt bien. Il écrit pour le monde diplôme, voilà. il a écrit des bouquins qui se vendent. Il y a des postures, on voit bien qu'elles sont dominantes. Des contenus, on voit bien que parce que c'est à l'initiative de dominants et de dominantes, sont biaisés, sont problématiques. J'ai pas trop... finalement, on n'a pas donné tant d'exemples que ça sur les contenus problématiques et ça me gêne un peu. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y en a énormément. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir fait que très peu d'exemples, mais bon. Bah, si on commence à faire le catalogue, on va pas s'en sortir, voilà. Mais ça va être vraiment compliqué. Mais voilà, il faut aussi savoir qu'il y a des gens qui sont dans cette, posture-là, de dominant, de dominante, et qui pour autant, vont vraiment être des alliés sincères. Et alors, parce qu'ils se définissent en tant qu'alliés, et parce qu'aussi, ils vont faire le choix d'une expression non oppressive. Je vais faire une comparaison avec un autre par rapport à Lordon, un mec soi-disant de gauche, progressiste, écolo, et qui en fait fait que du splaining, c'est Nicolas Hulot. Mec Ushuaïa, là, tout ça, c'est Ron Poulenc, hein, déjà, donc bon, niveau de... Oui, il va en culpabiliser les gens de ne pas avoir... Et voilà, et après, voilà, lui, son truc, c'est que... Et en plus, lui n'a aucun problème à assumer son rôle de dominant, c'est-à-dire que monsieur fait son petit truc, son petit mouvement, il interpelle les candidats, il se met clairement en valeur. À un moment, il parlait de faire son parti, je crois, ou de se présenter. Finalement, je crois que ça s'est pas... Enfin, qu'il a... Mais est-ce qu'on parle d'injustice sociale avec Nicolas Hulot ? J'ai un peu peur qu'on... Bah, pour moi, en fait, il arrive et il explique aux gens que le problème, c'est eux avec l'écologie. C'est un dominant qui vient expliquer aux dominés que les problèmes de gaspillage des eaux, c'est eux. Avec leur douche. Et avec leur bain. Prenez des douches plutôt que des bains parce que c'est votre faute. Sans déconner. Je veux dire, avec tout ce qu'on déverse dans le Rhin depuis des années, quoi. Et que l'Allemagne, enfin, l'Europe nous met des amendes parce que... C'est-à-dire qu'il vient, entre guillemets, oui, c'est un peu, Pour moi, c'est oppressif. Ce qu'il fait, ce mec-là, c'est grave. Mais là, c'est carrément, ce serait l'objet plutôt de dire, c'est quoi être oppressif? Enfin, on dit pas c'est quoi être oppressif, on dit c'est quoi avoir un discours non légitime. Bah, oui, mais il se fait passer comme allié. Pour lui, et tous les gens acceptent qu'il a une légitimité parce qu'il a fait ses émissions de merde sur TF1 pendant des années. Honnêtement, moi, je connais pas une seule personne plutôt branchée écologie sérieuse qui trouve que Nicolas Hulot ou même Cousteau soient des gens à écouter. Bah ouais, mais pourtant, t'en as plein. Il y a plein de gens qui trouvent que Gandhi est formidable aussi. Hein. On va pas rentrer dans tous les gens que les gens plébiscitent alors que c'est des pourris. Hein. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est dans les contenus, si, juste pour citer brièvement, dans les contenus oppressifs de dominants. Alors c'est délicat d'en parler, mais c'est ce qui se passe actuellement pour la loi travail. C'est un exemple parfait. On a des dominants, des dominantes qui vont nous expliquer à nous tous, hein, parce qu'on est quasiment tous, le salaire médian il y a 2 ans il était à 1 700 € par mois. Alors on est quasiment tous concernés. C'est pas la moyenne, ça ? Non, c'est le médian. Putain, le médian, mais il était à 2005 il y a 10 ans, je crois. Je parle bien du médian. Alors, je mets des réserves, peut-être pas. Mais à mon avis, il me semble que oui. C'est exactement ce que... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Oui, mais c'est ça, de toute façon, oui. Mais... C'est, on a bien une classe politique de privilégiés qui sont donc des dominants, ont une posture de dominant, et dont le contenu même du discours est oppressif. C'est du splaining, finalement, ils nous expliquent comment faudrait qu'on s'en sorte en tant que personne oppressée, qui vont ridiculiser le fait qu'on sorte dans la rue, qui vont nous traiter carrément de terroristes, c'est ça, hein, parce qu'au début, il y a eu quelques pauvretages qu'on commençait à dire qu'on était pris en otage par la CGT et les grèves de la SNCF. Continuez les gars, j'ai appris que vous aviez continué, là on est mercredi, on enregistre, j'ai appris que vous continuiez aujourd'hui, j'espère que vous allez bien continuer encore au moins 2 semaines, pour l'euro, ça leur fera les pieds. D'ailleurs au passage, quand on commence à avoir un discours militant, on évite de parler comme ça, de balancer esclave, de balancer prise en otage. C'est ça, parce que tout le monde a balancé prise en otage et tout, il y a quelques tâches qu'on fait ça pendant quelques semaines, et on l'a fait remarquer, hein. Ouais, on l'a fait remarquer, faut arrêter de dire prise en otage parce que c'est une pente glissante. La pente glissante est... Il y a des gens, hein, qui nous ont dit « Oh non, mais je vois pas où c'est glissant. C'est effectivement une prise en otage parce que on fait pression sur moi pour obtenir quelque chose de quelqu'un d'autre. » Et résultat, ça a glissé jusqu'à cette espèce de pourriture de merde, là, de manche-merde de Franz-Olivier Gisbert, qui a dit « Il y a 2 ennemis à la France, Daesh et la CGT. Okay. » Mais ce mec, il peut crever, quoi. Je ferai rien pour l'aider, quoi. Je voudrais, pour retomber sur nos pattes, sur le contenu oppressif, et c'est pour ça que je parlais du FN tout à l'heure. Un contenu qui fait semblant de pas être oppressif, d'être là pour nous aider dans nos injustices, va être oppressif si ils vont identifier un problème, et plutôt que d'aller voir les dominants, à chercher le problème du côté de la domination, ils vont aller chercher soit des personnes elles-mêmes, vous allez les culpabiliser, ah, vous ne travaillez pas, vous êtes des feignants, je sais pas, moi, des conneries. D'ailleurs, Marine Le Pen aussi le dit, c'est bizarre. C'est assisté. Elle est bizarre parce qu'elle reprend aussi ça. Elle dit. Non, mais là, tout le monde est d'accord avec Hollande, hein, le FN et tout, c'est bien, hein, la loi travail. Là, Marion Maréchal Le Pen, hier, elle disait qu'elle était d'accord et qu'il fallait arrêter la grève et tout. C'est bien, là, tout le monde est d'accord en ce moment. Les loups sortent du bois, c'est fantastique. Mais donc voilà, d'une manière générale, quand vous voyez un discours et que vous voyez, bon, vous identifiez que son auteur, son autrice est une personne qui domine, et que le contenu va chercher les causes de cette injustice chez d'autres opprimés, ou chez vous-même en vous culpabilisant, vous expliquant que c'est vous le problème, c'est un contenu problématique. Donc du coup, ça bon, On digresse. Non, mais je vais encore retomber sur mes pattes du choix d'une expression non oppressive. Il ne s'agit pas de se censurer. Le choix d'une expression non oppressive. Tout à fait. Le choix d'une expression non oppressive, c'est... Ça pose problème parce qu'on dit « Ah ouais, mais tu me censures. » On peut plus rien dire. Voilà, on peut plus rien dire. c'est ça. Si on fait remarquer à quelqu'un qu'il a fait preuve là d'oppression, parce qu'il a utilisé son privilège pour le faire, et que c'est bien parce qu'il a un privilège qu'il a été oppressif. On dit pas « censurez-vous », mais considérez le mode d'expression, considérez le privilège d'accès à ce mode d'expression, considérez le contenu employé, son oppression potentielle, mettez-vous à la place d'eux. Et tenter d'y remédier, voilà, c'est ça, tout simplement. Essayer de faire preuve un peu d'empathie et de se mettre à la place des gens concernés tout qui le fait. Vivent à longueur de temps. Tu me rappelles quelque chose que j'ai vu tourner sur Twitter il y a une semaine à peu près. Une personne, je ne vais pas dire qui, une personne trans, se plaignait du comportement que les cis féministes ou pro-femmes, dans le cadre des mecs, pouvaient avoir, notamment pour dénoncer le cis-sexisme. Le sexisme des personnes cisgenres. À l'encontre des personnes trans. Même pas à l'encontre des personnes trans, en général. D'accord. Et que ça l'agaçait de voir des personnes cis venir défendre les problématiques trans, des fois plus virulemment qu'elles. Ah. Alors que, qu'en fait, oui. Par exemple, le fait de rappeler, je rappelle à toute fin utile qu'une femme peut avoir un kiki et un homme peut avoir un vagin, et un utérus d'ailleurs. Et que du coup, par exemple, les cis qui aiment beaucoup rappeler ça aux personnes qui font du cissexisme sans le vouloir, sont des fois plus oppressants envers elles, personnes trans, parce qu'ils lui rappellent tout le temps cette histoire de génitalité, que elle n'a pas forcément envie de le rappeler à tout bout de champ. Enfin, voilà. Elle disait pas qu'elle voulait interdire aux personnes cis de militer. D'être alliées. Voilà, d'être alliées. Mais que il fallait quand même réfléchir à des fois, est-ce qu'on en fait pas un peu trop, c'est la question de la posture que j'abordais, qu'on abordait initialement. Cette posture nous permet de nous exprimer quand on a un privilège, en toutes circonstances, on a le privilège, on peut s'exprimer, on peut en faire même des tas, on peut même parler que pour soi, que pour se mettre en avant soi, et au final parfois il suffit simplement de donner la parole à une concernée, citer des concernés. Alors, est-ce que je vais interdire à Bourdieu son bouquin, à Lordon ses bouquins ? Non, évidemment que non. J'aimerais par contre, peut-être que c'est... Est-ce que je peux m'exprimer si j'ai un ami noir ? Non, pardon. Je sais ce que tu veux dire. Il ne s'agit pas d'interdire ça, il s'agit juste de dire... voilà, moi je préfère le contenu de Usul, et j'aime bien ce que Usul, en plus il n'en fait pas trop. Il dit son truc, mais il va pas non plus s'exprimer. C'est un peu le syndrome de la personne aussi dominante, qui se rend compte qu'elle est dominante, et qui du coup, une fois tu me disais, elle va taper dans les mains pour dire, elle va faire un tas de bruit pour dire, oh mon dieu, il y a une oppression, je fais partie de ces, je suis dominant. Oui. Ce qui va se flageller limite publiquement parce qu'elle fait partie de la domination. Faut pas non plus trop en faire, quoi. Bon, oui. La fin est peut-être un petit peu chaotique, mais on... Pour revenir à Usul, sur Usul en deux secondes, c'est vrai qu'en plus, c'est à ma connaissance un des seuls YouTube... Je vais venir sur un super exemple après. Usul est un des rares exemples de YouTubeur qui, quand on lui fait remarquer que là c'était glissant, là ça allait pas... Putain, le mec il s'excuse. Ouais, il se remet en question. Il s'excuse et dans ses vidéos suivantes, il se remet en question. C'est formidable. Et moi je suis extrêmement jaloux, j'ai 30 ans, de la maturité que peut avoir cette petite conne de... Enfin, pardon si affectif, hein, mais de Enjoy Phoenix. Je suis admiratif d'Enjoy Phoenix. Oui, je viens de voir ta tête, Mélanie. Enjoy Phoenix, il y a quoi, il y a un mois et demi, elle a fait une vidéo où, bon, je sais plus, elle parlait de... Je sais plus, un truc qui lui semblait aberrant. Et pour souligner que ça lui semblait aberrant, elle regarde la caméra et elle fait « Seriously, nigga ?» Donc « sérieusement, négro » en anglais. L'expression qui est sur tous les mèmes internet, quoi. Le « Seriously, nigga », c'est un mème sur internet que tout le monde utilise, avec une image de noir, généralement, parce que, bah, voilà. Mais en fait, il me semble que je l'ai vu, c'est... Et en fait, Enjoy Phoenix... Oui, j'avais partagé sur mon book. Et du coup, Enjoy Phoenix, elle a reçu, bah, dans la semaine... l'équivalent du Mississippi en mail d'insulte et en tweet qui lui disait d'aller bouffer ses morts, quoi. Et elle a posté un article en disant que, bah, plutôt que, quand elle a vu tout ça, plutôt que de se braquer, elle a cherché à comprendre. Et que, effectivement, elle a vu que le blackface, et d'utiliser des trucs comme seriously nigger en tant que blanche, c'était un peu limite. Oui. Mais que elle, ok, elle regrettait, qu'elle ne le ferait plus jamais, que c'était très mal de le faire, que pour elle, elle avait bien compris, qu'elle était désolée, mais que c'était pas à elle non plus de faire court, parce qu'elle était pas spécialiste non plus, et que si vous vouliez comprendre, c'était à vous d'aller vous renseigner, comme elle l'avait fait sur le sujet. Putain, elle a 18 ans. Et elle est blogueuse mode, quoi. Ouais, c'est pas mal. C'est fou, quoi. À 18 ans, j'ai été incapable de ça. C'est admettre son erreur, elle a pas 18 ans. Elle a pas 25, hein. Ouais, elle a 20, 21. Ouais, bon, d'accord, ok, ça fait pas une grosse différence. Enfin, elle a 20, 22 à tout péter, je crois. Elle est toute jeune, hein. Enfin. J'ai pas de. Bon, c'est pas. Elle parle pas des injustices. Enfin, allez. Non. C'est pas du tout le sujet. Mais elle a, je parlais par rapport à ce truc, par rapport à Usul, tu vois, aussi le fait de. Oui, si tu te revendiques allié, bah, vois que Enjoy Phoenix, qui ne se rendique même pas allié, elle a su se remettre en question. Ouais, quand on lui a dit qu'on lui a dit avec des insultes à sa mère et à toute sa famille sur 15 générations. Elle a pris super cher. Mais elle ne s'est pas braquée. Elle a dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Et si vous prétendez être allié, c'est bien le moins que vous puissiez faire, quoi. Tout à fait. Est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter pour conclure là-dessus? Moi, j'en ai une dernière, moi. Ouais. C'est sur Twitter, là, ces dernières semaines. Alors, c'est en train de finir, apparemment. C'est plus trop le cas. J'ai essayé de chercher pour te le montrer, mais apparemment, plus personne là. Ces dernières semaines, tout le monde. Certaines féministes que moi, je suis sur Twitter. Ça y est, on va savoir quel genre de personne je suis. Dans les semaines qui ont précédé, avaient toutes la même photo de profil. Je sais pas qui l'avait faite, mais ça s'était propagé de façon un petit peu virale. Tout petit peu viral, et c'était avec les voyelles enlevées, donc il y avait plus que les consonnes, mais on arrivait clairement à lire fuck profems, donc fuck les profems, les proféministes, les alliés féministes, parce qu'il y en a énormément de féministes qui en ont marre que nous, les alliés féministes mecs, on ouvre notre gueule en permanence partout, et surtout que souvent, très souvent, on va laisser passer une peau de banane au milieu, on va glisser, on va dire une saloperie. Une saleté, pardon. Enfin, quelque chose de pas bien, ou souvent quelque chose d'oppressif. Et tellement elles en ont marre, cette image de profil « fuck les profèmes », elle a fait son petit succès, quoi. Et c'est régulièrement que des féministes Twitter disent « putain, encore un profème qui nous fait chier, quoi. Mais fermez-la, quoi. » Et elles en finissent à... Alors bon... Comme on a dit, c'est pas notre propos de dire que si on n'est pas concerné ou... Oui, on n'a pas, voilà. On dit pas ça. Mais il faut aussi vraiment faire attention à ne pas vraiment prendre la place. Et prendre surtout... la place ou ne voir l'autre comme un sociologue, comme un objet d'étude. C'est ça. Et c'est... Et c'est pas parce qu'on se dit allié ou pro-féministe plutôt que féministe que d'un seul coup on est absous de toutes nos oppressions potentielles. Quand on voit donc qu'il peut y avoir cet élan de colère justifiée à mon sens, mais ça reste une colère à mon avis, c'est pas une vraie vue théorique qui se tient tant que ça, quoi, parce qu'on peut pas dire que tous les profèmes, mais c'est que c'est quand même aussi important de rappeler du coup, mais je voudrais que c'est en vertu de ça que c'est important pour un homme de se dire profème ou allié et pas féministe. Tout à fait. Ouais, alors oui. Moi, tu vois, je me pense féministe. Je le sais, mes pensées, quand je lis des sites féministes, je suis raccord avec. Moi, dans ma tête, je suis féministe. Jamais tu me verras en public me revendiquer féministe. Parce que ça me semble pas être la question, ça me semble pas être le sujet, ça me semble pas être pertinent. Ah, mais je vois ce que tu veux dire. Et au pire, si ça vous mâche vraiment, les petits mecs profèmes qu'on vous dise que vous avez pas le droit de vous dire féministe, et bah au pire vous faites comme moi, vous le pensez dans votre tête et puis c'est tout. Je veux dire, ouais, on n'a pas besoin que vous veniez chougner au pire. C'est une grande question en fait. Est-ce qu'on peut pas juste écouter à un moment? On parlait du milieu justement du JV et du JD, enfin du milieu geek. Enfin, même si j'aime pas dire geek, mais bon, bref. Oui, enfin, Stunfest, ce milieu-là. Hein. Voilà. Il y avait une conférence avec Sélénée, deux ou trois autres femmes chercheuses. Stunfest de l'année dernière, de 2015, ouais. Et puis, il y avait un mec dans le lot pour parler de... Un cis mec. Pour parler du sujet. Ça parlait des femmes, je sais pas. Je crois que c'était représentation de genre dans le jeu de rôle ou dans le jeu en général, un truc comme ça. Et franchement, je crois. Ça m'a saoulé de voir qu'on peut même pas avoir une conférence... strictement femme pour parler du sujet. Je dis pas qu'il a pas l'air, hein, ce mec, hein, de s'exprimer à ce sujet. En plus, ce qu'il disait, c'était super. C'était, je veux dire, j'ai juste rien à dire sur ce qu'il disait. Mais le problème, c'est que c'est comme s'il fallait la caution intellectuelle d'un homme pour que pour que les quatre nanas autour, elles aient le droit de l'ouvrir. Moi, c'est ça. Alors là, c'est, on va dire, oh là là, c'est quand même très virulent. Mais voilà, quand même, je le dis. C'est un peu, s'il y avait eu que des nanas, et alors quoi? C'est grave. Et alors que, je vais prendre la conférence sur les personnages racisés dans les jeux vidéo. Je parle pas de la vidéo de Bandouche, mais la vidéo qu'il a fait suite à une conférence. Ah, je voudrais bien le lien après, parce que j'ai pas vu ça. Mais je crois qu'il y avait que des mecs. Alors, il y a des conférences où il y a que des mecs et ça pose pas de problème, même si pourtant ça concerne les femmes. Mais les conférences qui concernent spécifiquement les femmes, il peut pas y avoir que des femmes c'est non bon, plus. C'est voilà. Ce que j'allais dire, parce que en venant, tu vois, dans le bus sur le chemin, j'avais mon smartphone, je lisais un article d'une féministe. Je crois que c'était Valérie CG, Crêpe Georgette, le blog Crêpe Georgette. Oui, je connais. Je crois que c'était lui, hein. Je sais plus, je navigue tellement partout dans ces trucs-là. Et je crois que c'était elle qui disait. Le féminisme, tout ça, c'est aussi le fait que quand il y a des trucs avec que des mecs, c'est normal. Quand il y a des trucs avec où c'est mixte, alors là, bravo les cookies, ça pleut. C'est ça. Et par contre, si on fait un truc à un moment où on dit juste pour équilibrer, on va inviter que des femmes, on va faire un truc non mixte. Ah, la non mixité. Alors là, on déborde. On déborde. Là. De toute façon, là, on est dans les 5 dernières minutes de podcast. Hein, on déborde, mais la non mixité dans tous les milieux oppressés, enfin dans toutes les personnes qui subissent des oppressions. Mais faire des réunions avec des noirs. Voilà, c'est essentiel parce qu'on ne pourra pas, parce que comme on est oppressé, on a peur. Enfin, on a peur. Donc on a peur, mais c'est que on va censurer sa propre parole d'opprimé face à un dominant ou une dominante. Et c'est nécessaire. Et encore une fois, il n'y a pas de légitimité pour une personne non concernée à critiquer ça. Ça n'est pas légitime. Vous n'êtes pas... je ne vais pas aller dans une réunion de personnes racisées et leur dire « Mais si, je veux participer à vos réunions, j'ai le droit de participer. » Ces personnes seront gênées en ma présence. Par contre, ces personnes vont m'accepter en tant qu'allié, ensuite, dans des réunions mixtes, et pas de problème. Mais ces personnes ont aussi le droit de se représenter en non-mixité aux yeux du monde pour parler au monde, pour communiquer. Ouais. Ce n'est pas qu'entre elles ou qu'entre ils qu'ils ont le droit d'être en non-mixité. Ils ont le droit d'être en non-mixité en tant qu'entité qui va exprimer un discours au monde. Après, honnêtement, moi, la première fois que j'ai appris ce genre de truc, qu'il y avait des trucs non mixtes et tout, j'ai été choqué. Quand j'étais pas encore déconstruit, quand j'étais pas encore sensibilisé, je pense que ça mériterait une émission à part entière. Bah, je pense que là, on déborde à mort. Ouais. Hein. Enfin là, de toute façon, on se lâche. Hein. On sait qu'on a. Oui, c'est la fin là. C'est YOLO. Voilà. Je pense que je mettrai en ligne. On mettra en ligne le plan qu'on a cité. En fait. On a effleuré le sujet. Ah oui, là, on a dépoussiéré le... En fait, on a ouvert la porte, et la porte a dépoussiéré le... Voilà. Le volet, enfin, le petit coin, le demi-cercle de poussière qu'il y avait derrière elle. Mais la pièce est encore pleine de foutoirs, et il y a encore beaucoup de boulot. Et on espère bientôt vous retrouver. On espère... Alors, je pense que quand on abordera des sujets plus précis, on pourra faire plus de connexions avec le JDR. Ouais. Ce sera plus simple. Après, on n'est pas obligé, hein, parce que c'est, on n'est pas obligé aussi de se parasiter avec le jeu de rôle à chaque fois qu'on veut parler de thématiques comme ça. Hein. Non, bien sûr, mais ça peut être bien mais de si voir. Si on peut, ça peut être intéressant. Ça peut être bien de voir ce que. Et alors, dans le jeu de rôle, qu'en est-il ? Par attends. Voilà. Bon, bah. On est pas mal là. Ouais. Bah, j'espère que ça vous a plu en tout cas pour ce premier nouveau format. Moi, en tout cas, j'ai pris pas mal de plaisir à l'enregistrer. C'était intéressant. C'était bien cool. Je vous dis à bientôt, les gens. Chaloux. Bisous.